Voici une société secrète. Une société parmi des millions d'autres disséminées tout autour de la Terre. Depuis leur apparition, les fourmis transmettent des messages clandestins et suivent des pistes invisibles. Leur code secret commence seulement à être déchiffré et compris. Qui vient sonner la charge. On sort le scud et les matraques pour te faire de bons massages. Mes vieux démons m'assaillent, mais faut pas qu'on s'asseye. Sache qu'on livra bataille tant que dans nos rangs ça saigne. Les frères attestent et sont renseignés. C'est dans le plat qu'on met les pieds. Mais la pente est raide, je vois les tracas à mes pieds. J'attends le fracas des chaînes, pas de finir estropié. Viens donc au bal des chefs, regardez les estropillés. On vient pas se faire prier, ni faire comme si le soleil brillait. On a que des idées noires et le vaussaire crié. Ce qui fait que le texte est gris, c'est le cri de ceux qui contestent et gris. On se pose plus la question dans quel contexte écrire. Pas de gris-gris, la poisse elle fonce dans le tas. Il laisse pas de répit, je vois que les désillusions s'entassent. On trace la route sans trace, pendant que les autres s'empressent. Poto y'a plus de tendresse, et je crois pas que les îlots s'embrassent. Les portes de la ville s'embrasent, je viens foutre de l'eau dans le gaz. Car y'en a marre des ruses, ils vont pas s'en tirer sans trace. Mais ça semble assez rude, guette dans le trou de la serrure, trop de lassitude. Et dans le fond notre pays ressemble assez rue, sans blague c'est nul. On est sur le point de tout s'y passer, regarde pas en bas. On est copié du mur par les soucis cassés. Ce que si je casse tête, ma fourmilière ce qu'elle a porté. Ceux qui partagent la force, qu'on ne revoit pas ce qu'était l'apartheid. Plus de pitié pour ces clowns, c'est nous contre le pouvoir. À l'heure où on est tous des clones, c'est nous le contre-pouvoir. Plus de pitié pour ces clowns, c'est nous contre le pouvoir. À l'heure où on est tous des clones, c'est nous le contre-pouvoir. Plus de pitié pour ces clowns, c'est nous contre le pouvoir. À l'heure où on est tous des clones, c'est nous le contre-pouvoir. Plus de pitié pour ces clowns, c'est nous contre le pouvoir. À l'heure où on est tous des clones, c'est nous le contre-pouvoir. Plus de pitié pour ces clowns, c'est nous contre le pouvoir. À l'heure où on est tous des clones, c'est nous le contre-pouvoir. Plus de pitié pour ces clowns, c'est nous contre le pouvoir. Contre pouvoir, la fourmilière, Armistice Studio. C'est nous le contre pouvoir.